À Solange-Clésinger, Nohant, vers le 20 août 1851. Est-ce toujours de même, ma fillette? Es-tu toujours pas trop bien, pas trop mal, comme dans ta dernière lettre? J'aimerais mieux que tout fût tout à fait bien. Pourquoi donc t'ennuies-tu? Avec un mari qui t'aime et un enfant ravissant, tu as le fond de la vie. Après vient le détail. Mais cela dépend de toi, ma petite. Je te trouve désœuvrée à présent, comme toujours. J'en suis arrivée à me dire que tu t'amusais apparemment de ce qui m'ennuierait beaucoup, et que j'avais eu tort de te le tant reprocher quand ça me regardait. À présent que tu fais comme tu l'entends, si ce désœuvrement arrive à te lasser, qui t'empêche d'y mettre ordre? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui te manque? Ce n'est pas l'intelligence, la facilité, la mémoire. Des livres pour s'instruire, de la musique, des maîtres, des pianos, c'est à Paris qu'il y en a. Et des dispositions pour les lettres comme pour la musique, tu en as certes de grandes. Qu'est-ce qui t'empêche? On sonne le dîner, je t'embrasse. Je n'ai rien de neuf à te dire de moi, sinon que je finis bientôt ma troisième pièce de provision pour mon hiver. Bocage est toujours malade, et moi sur la branche pour partir ou rester. Je me porte bien. Ton frère t'aime et t'embrasse. J'en fais autant, et pour ma belle mignonne, mille caresses. Compliments et respect de tous les autres.